quitté ce matin pour tout bagage que son destin. Le même sourire de tous les jours, avec en prime un aller simple sans retour. À croire que l'amour n'est rien qu'un jeu, que les sentiments ne valent pas mieux. Une promesse devant l'autel, et puis plus tard se faire la belle. Lui qui ne jurait que par elle, certain d'avoir trouvé sa perle. Finir ensemble, c'était son rêve, mais le malheur n'a pas de trêve. Elle l'a quitté ce matin, pas de remords, pas de chagrin. Elle a choisi une autre histoire, avec en plus un flou profond dans sa mémoire. Il n'y croit pas, non pas à lui, c'est un cauchemar qui le poursuit. Il va se réveiller, c'est sûr, avec une trace, une déchirure. Elle l'a quitté pour toujours, et avec elle, les nuits velours. Elle va rejoindre son galant, et en bonus, l'aveu du pire des sentiments. Il reste seul, seul comme un chien qu'on abandonne sur le chemin, qui croit encore que sa maîtresse viendra lui refaire des caresses. Il sait bien sûr qu'avec le temps, même si ça dure 6 mois, 1 an, la plaie se ferme, se cicatrise. On tourne la page, on ferme le livre. Elle l'a quitté ce matin, elle l'a quitté pour toujours. Elle l'a quitté ce matin, adieu son bel amour.